J'aurais pu être médecin, scalpel aiguisé. Peut-être boucher, la lame effilée. Ou bien même peintre, impressionniste, virtuose ou même novice. Je ne suis qu'une ombre, te perdant dans la brume. Je corrige le vice, je corrige la luxure. Mais peu m'importe qu'elle soit brune ou blonde. Peu m'importe qu'elle soit brune ou blonde. Répandu la crainte et la terreur, partout vous m'avez cherché, parfois même avec cru m'arrêter. Vous apercevant trop tard de vos erreurs, vous apercevant trop tard de vos erreurs. Je ne suis qu'une ombre se faufilant dans les ruelles, sordide quartier de l'ombre. Rien n'arrêtera mon sanglant rituel, car je ne suis qu'une ombre, suis qu'une ombre. Je ne suis qu'une ombre. Jack.